Bonjour Bertolt, penses-tu que le tarot puisse être exploité vibratoirement hors de tout programme néo-ésotérique? Le problème avec le tarot, c'est qu'il y a longtemps, bon, il y a eu des persécutions par rapport au judaïsme, puis ils ont décidé de certaines choses par rapport à la Torah, ils ont décidé certains principes qui étaient liés à des choses assez subtiles, là. Bon, ils ont décidé de mettre ça en image. C'est devenu le jeu de tarot. Comme vous savez, en France, qui est réellement un jeu, on peut jouer au tarot. Mais comment je pourrais dire ça? Ça s'est alourdi. Ça s'est alourdi. Puis il y a eu tellement de choses, justement, liées au New Age. Mais oui, possiblement. Mais il risque que moi, je touche pas à ça, là. Je touche pas à ça, le tarot. Même je comprends, là, de dire. Même souvent, il va avoir trois couleurs. Ils sont importants. Aussi, il y a des archétypes de niveau conscience qui sont représentés. Comme la pendule, là, qui agit à la. Qui J'avais remarqué ça avec des gens, vous leur montrez la carte du pendu, puis ils vont être portés à la mettre à l'envers. C'est sûr. C'est certain, ben, le fou, il y a quelque chose lié à l'aéro solaire, entre autres. Mais bon, c'est des choses. La projection dans l'avenir, la plus facile, c'est de la voir l'avenir en germe dans le présent. Bien franchement, ça, c'est de la lucidité. Il n'y a pas de mancie qui peut remplacer la lucidité. Dans le sens qu'à un moment donné, il y a des choses, on le sait. Arrêter le tarot, mais je ne le faisais que pour moi, pas pour les autres. Que je peux comprendre que oui, c'est parce que ça peut servir d'un miroir pour regarder, vous regardez vous, puis voir des choses que vous pourriez pas voir autrement. Un peu comme un singe qui prend un miroir pour regarder des parties de son corps qu'il n'a jamais vues. Ça peut servir à ça. Mais c'est comme, comment je pourrais dire ça? Ben c'est ça. Il y a des archétypes expérimentaux, des niveaux de conscience, on peut dire, qui sont figurés là-dedans. Mais comme c'est systémique, ça peut être appliqué à tellement de choses. C'est basé quand même sur des lois. Mais le problème, c'est que ça s'est alourdi avec le temps. De toutes sortes de choses, plus ça trimballe de la mémoire. Vous avez là-dedans des arcanes. Il y en a 22. Pourquoi? Ben parce que ça vient des Juifs. Puis, en tout cas. Mais il reste que moi, j'ai un petit dédain là, pour le tarot. Après l'avoir étudié longtemps. Pas, je ne parle pas de pratique de taromancie, là. Moi, c'est en tant que système. Que penses-tu des lettres hébraïques? Ben, c'est ça. Il y a des lois qui font qu'on peut synthétiser des choses par rapport à une vue systémique. Mais là, on tombe dans des choses sensibles un peu. Mais étant donné que c'est vraiment systémique, c'est un système. C'est même pas un système de pensée, c'est une pensée systémique. Puis là, on tombe dans des choses. Pas mal subtil. Une façon de voir. Façon de voir. Des façons de voir. De toute façon, une vue, ça va tout le temps être un faisceau. Mais là, on peut tomber dans des. Il va y avoir plein de faisceaux, là. Pourquoi un soleil va souvent être représenté avec 12 rayons? En tout cas, utiliser le tarot ou être utilisé par le tarot, la ligne est très mince, et voilà. Mais là, c'est parce que ça va servir d'interface à de la programmation ou à des forces qui chevauchent. Bon, ça va être une selle un peu. C'est pour ça que j'ai de la misère avec tout ce qui est immense. C'est vraiment là. Fait qu'à un moment donné, bon, c'est ça, là. Si ça peut servir en tant que logiciel pour voir plus loin, là, c'est correct. Mais si ça devient une pratique, liés à de la croyance, liés à de la superstition, liés à un système de croyance. Là, je suis plus d'accord. C'est tout le temps malsain, dans le fond.